et bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp du 24 mai 1992. Daniel, à la dernière conférence, nous avions parlé du Big Bang suite à la découverte du fameux satellite américain. Cette semaine, il y a eu une autre nouvelle ésotérique qui a brassé un peu aux États-Unis. Ça a été la sortie du fameux film Intruder, qu'on ne parlera pas aujourd'hui, mais qu'un autre tantôt, on pourra décortiquer, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont brassé pas mal, et ça brasse encore aux États-Unis par rapport à ce film-là. Brasse pas mal toujours aux États-Unis. Oui, depuis de plus en plus, hein, selon les... Plus le Québec va avancer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue un peu notre... le départ de ce qu'on avait fait le mois passé, soit l'étude de notre univers à différents paliers. Alors, pour le bénéfice des gens qui n'étaient pas ici, si tu pouvais nous faire un petit dessin des différents plans, ainsi que mentionner la date approximative de leur formation, puis on continuera par la suite de différentes façons. Bon, on peut faire un résumé rapide. Alors, premièrement, on a... Évidemment, on parle toujours en fonction de choses relatives. Hein? Ce que je dessine ici, c'est pas tout à fait une réplique de la réalité. Alors, il n'y a rien. Et après, il y a la création. On a vu que dans la création, il y avait des super-univers. Il y avait des super-univers. Que dans les super-univers, il y avait des univers. Que dans les univers, il y avait des galaxies. Que dans les galaxies, il y avait des étoiles et des systèmes solaires, donc des systèmes d'étoiles avec des planètes. Et qu'autour des planètes, il y avait des systèmes astraux. Et qu'autour des systèmes astraux, étaient maintenus des systèmes vitaux, des systèmes physiques souvent. On peut se promener là-dessus. Donc, on a vu plusieurs choses. Puis, en fonction des questions que tu vas poser au fur et à mesure, je pourrais revenir sur ces choses-là. Parce que, comme par exemple, en termes de date de création ou d'heure de création, si on parle du temps zéro, on marche toujours en quelques points, donc c'est 0.x secondes, ce qui fait que c'est pas tellement utile d'en parler là. C'est évident que le premier plan à apparaître, ça va être ce qu'on va appeler le plan divin. Bon, le plan divin, lui, va être exprimé à travers l'univers et va être vécu à travers l'univers, exprimé à travers les super-univers. On aura le plan de l'amour instantané, appelé aussi plan bouddhique. On aura le plan de l'intelligence supramentale qui sera, lui, exprimé à travers un univers, mais qui sera surtout vécu à travers les galaxies. On aura le phénomène mental qui sera présent dans la galaxie, surtout exprimé au niveau des contextes solaires. Donc, quand on parle d'initiation solaire, c'est toujours l'éveil de l'être humain vers le plan mental. L'initiation solaire, ce n'est pas l'éveil de l'humain vers le plan supramental. Il n'y a plus d'initiation rendue là. Mais l'initiation solaire, c'est l'éveil complet de l'humain à la conscience du mental qui va lui permettre, évidemment, une communication totale et directe avec le plan supramental. Et par la suite, donc, dans le système solaire, on aura de l'énergie astrale, surtout exprimée dans un contexte planétaire. Alors, grosso modo, on a donc ici notre phénomène. Ce qu'on peut rajouter, c'est que les créations, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs, mais les créations des autres ne nous regardent pas. Voilà. Tantôt, tu as mentionné qu'il y avait des super-univers. À l'intérieur de ces super-univers-là, il y a des univers. Est-ce qu'il y a 7 super-univers? Bon, on se plaît à dire qu'il y a 7 super-univers. Maintenant, ce qui va arriver, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on regarde avec un télescope et on est capable de percevoir les super-univers, on peut en dénombrer 12, 14, 15, 20. Mais là, l'ésotérisme qui voyage dans l'astral va dire, écoute, Lui, il est petit, c'est pas un super univers, puis là, bon, il va prendre le plus gros. Il va s'en aller, puis rendu au chiffre 7, qui est un chiffre sacré, il va décider que le reste, c'est pas des super univers, c'est des univers extra-super universels. Donc, en réalité, il n'y a pas 7 super univers. Par contre, ésotériquement, le chiffre 7 est important. Pourquoi? Parce qu'il permet d'engendrer une vibration particulière dans la conscience astralisée de l'humain. Et le chiffre 7 permet à l'humain d'ouvrir une porte vers la conscience archétypale effusionnelle des mécaniques antérieures. On peut dire que le chiffre 7 permet à la conscience de l'homme de le brancher sur une vibration plus divine. Et c'est pourquoi l'être humain va expliquer tout ce qui a rapport à la création en fonction d'un chiffre 7, parce que la création, c'est l'apanage de, des mécaniques créationnelles, l'apanage des dieux, on va dire, par rapport à la théologie. Donc, c'est correct de dire qu'il y a 7 super-univers, parce que ça permet à l'être humain d'être branché sur la vibration du chiffre 7 qui lui permet d'arriver à se connecter avec des mécaniques différentes, puis des mécaniques supérieures, plus subtiles, plus vibratoires. Sauf que du point de vue mathématique, c'est faux de dire qu'il y a 7 super-univers. C'est comme la Terre a été créée en 7 jours, c'est faux. Sauf que si on veut comprendre, si on veut permettre à l'astralité humaine d'accepter que la création a eu lieu, si on dit la Terre a été créée en 7 jours, c'est acceptable par la majorité des égaux. Parce que le chiffre 7 va leur permettre d'accepter quelque chose qui n'est pas cartésien. Lorsque ça a sorti, cette information-là, que la création a été faite en 7 jours, à ce moment-là, il y avait un fondement de vérité. Je ne dis pas de réalité, mais de vérité, qui un jour peut et se doit d'être dépassé. Oui. Maintenant, il faut comprendre que présentement, si la Terre a été créée en 7 jours, et si on regarde la Genèse de la Bible catholique, on doit comprendre que présentement, nous sommes au 5e jour de la création versus 6e jour de la création. Donc, ce n'est pas fini encore. Et au 7e jour va apparaître l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est le repos. Mais c'est là que cet homme-là va vivre. Dieu va maintenant se reposer et il y aura le paradis, il y aura tout ça au complet. Présentement, nous sommes dans la 5e journée. On débute la 6e journée de l'ère biblique, de l'ère de la Genèse. Maintenant, c'est évident que l'individu qui ne comprend pas l'extension au niveau de la conscience des écrits du passé va penser que la Terre a été créée en 7 jours. Mais évidemment, c'est toute une complexité parce qu'on calcule les journées en fonction de la rotation de la Terre sur elle-même. Et puis, au début, on crée le ciel et les étoiles, premier jour. Mais il n'y a même pas de Terre. C'est pour ça qu'un jour, on peut le transmuter et l'ajuster au niveau de compréhension de l'humain. Ce qu'on doit retenir, c'est que tout ce que les religions ont dit n'est pas faux, mais c'est jamais complet. Donc, effectivement, c'est spirituel parce que c'est pas complet, parce que l'humain accepte ça, mais à un moment donné, quel que soit l'endroit où on va fouiller dans n'importe quelle religion, en transmutant, donc en étant capable de rajouter les morceaux manquants, on se rend compte que finalement, ce qui était dit était vrai. Mais il manquait tout ça pour que ça puisse être utilisable. Dans le cosmos, au niveau éthérique, au niveau astral, il y aurait des ordinateurs. On sait que, c'est-à-dire pas on sait, mais plusieurs prétendent qu'on peut expliquer tout avec les chiffres. Les ordinateurs fonctionneraient avec des chiffres de 1 à 10, comme ici. Pourquoi 7 dans un tas de domaines, soit 343, par exemple? Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que, je reviens encore là-dessus, spirituellement, ça désigne un paquet de choses. Mais il faut surtout, présentement, quand on parle de l'ère nouvelle, il faut être capable de transmuter justement les visions spirituelles du passé pour arriver à nous en servir. Il faut comprendre que l'homme, étant donné que l'homme fonctionne avec un système décimal, il est limité à 10 chiffres. Étant limité à 10 chiffres, sa numérologie va aussi se limiter à 10 chiffres. Les Hébreux, eux, ont fonctionné avec un système de 21 chiffres. Mais encore là, on devient toujours un peu perplexe à se demander si, quand on fait de la numérologie et on additionne les chiffres, ça donne le chiffre 16, est-ce que ça donne le chiffre 7, 6 plus 1, 7, ou si on le garde en chiffre 16 par rapport à la Kabbale. Et là, les ésotérismes ont réglé le problème en se disant, ça donne le chiffre 16, puis ça ne te plaît pas 16, bien ça donne le chiffre 7. Alors, quand on regarde le chiffre 7, on le retrouve, pourquoi on le retrouve partout? Il faudrait qu'on fasse attention. Le chiffre 8, qui en ésotérisme symbolise l'infini, c'est le symbole mathématique aussi. Le chiffre 3, on le retrouve à peu près partout, de la Trinité, mais on peut le retrouver au niveau, par exemple, de la création de l'eau, H2O. Bon, alors c'est une molécule d'oxygène, deux molécules d'eau, c'est un triangle, c'est le chiffre 3, puis c'est ce qu'on a partout, puis le corps est constitué à 91% de ça. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que on retrouve ces chiffres-là partout parce qu'il y en a seulement 10. Bien, il y en a 9, bien, avec le 0 de 10. Tu as mentionné 21 lettres pour la Kabbale. C'est pas plutôt 22? Non, ça veut dire que c'est 21. Le système fonctionne sur 21. Puis au niveau du tarot, on va rajouter une 22e carte qui, elle, n'a pas de nom. OK. Bon. Même avec l'explication que tu viens de donner à propos du chiffre 7, j'aimerais à ce qu'on travaille avec les 7 qui sont du passé, comme tu dis, qui ont été utilisés pour transmettre de l'information à l'homme, de façon à ce qu'on puisse partir de ce point-là, du passé, et transmuter ce que c'est qu'on pourra transmuter, tout en nous permettant de savoir où on est, de se situer exactement où on est. Si on regarde, par exemple, l'influence l'influence de l'astral, du double, que ce soit du double luciférien, que ce soit de différentes façons, de façon à ce qu'on pourrait se situer avec les chiffres 7. Maintenant, j'ai préparé un tableau où il y a des carreaux, où on pourrait justement placer ces choses-là. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, premièrement, il faudrait se mettre d'accord sur les termes et puis sur peut-être le degré d'importance des différents items que je veux placer. Oui, je vais définir le chiffre 7. OK. Bon. Pourquoi le chiffre 7 est important et c'est le chiffre le plus important? Et d'ailleurs, on peut même constater que parmi les chiffres du loto 649 qui sortent le plus souvent, le 7 est dans ceux qui sortent le plus souvent. Bon. C'est original, ça n'a aucun sens, c'est ça. Bon. Le chiffre 7, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au niveau de la conscience humaine, lorsque l'humain fonctionne, lorsque l'humain essaye de comprendre, il se crée des concepts, des théories. Dieu est une théorie qui est septuple. Bon, la création, elle a été septuplée. Et on a continuellement une vision des phénomènes de septuple. Pourquoi? Parce que l'être humain va atteindre cette conscience-là dans pas grand temps. Enfin, c'est pas grand temps. La conscience, présentement, nous fonctionnons à travers une conscience qui est quadridimensionnelle, c'est-à-dire qu'on a le haut, on a la hauteur, on a la largeur, on a la profondeur et on a le temps. Pendant longtemps, le chiffre 4 a été un symbole extraordinaire pour l'humain. Le chiffre 4 était le symbole de la terre, de la matière, de la mer, et ça a été un symbole qui a été utilisé longtemps. À travers les constructions, c'était carré, des blocs carrés, à travers la théologie, à travers tous ces phénomènes-là, le chiffre 4 est extraordinairement important. Si on y rajoute un zéro, on va donc entrer dans le phénomène 40. Le phénomène 40, c'est encore un phénomène de matière. Ça peut être le déluge 40 jours ou encore le temps que le Nazaréen va passer dans le désert, on restera à 40. Et on pourra trouver le chiffre 40 ou le chiffre 400 ou le chiffre 4000 à bien des places. Le chiffre 4 était un symbole extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'être humain, à l'époque, fonctionnait sous une base dimensionnelle triple. C'est-à-dire que l'humain n'avait pas dans sa conscience les quatre dimensions. Et le chiffre le plus important pour l'humain, c'est-à-dire ce que la conscience essayait de lui amener au niveau des fragmentations cognitives, au niveau des fragmentations de l'information que l'humain peut recevoir, c'était une mécanique quadruple. Inconsciemment, donc intuitivement, l'humain savait que tout était basé sur le phénomène 4. Mais c'était l'étape suivante de sa cognition, donc de sa connaissance, finalement de son savoir. Alors, l'humain a donc décidé que tout était créé à partir du chiffre 4. Alors, on avait l'air, la terre, l'eau, le feu. Bon, plus tard, les humains vont rajouter l'éther, le chiffre 5, donc planté en plein milieu du carré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parce que l'humain vibrait à la vibration du chiffre 4, il en a déduit qu'il y avait quatre éléments primaires. Alors, il y avait l'eau, la terre, le feu, etc. et l'air. Maintenant, l'être humain peut dire, oui, mais c'est parce qu'il y avait quatre éléments qu'on a découvert que c'était le chiffre 4. Mais l'humain ne fonctionne jamais comme ça. C'est une chose d'aller apprendre, de devoir comprendre, parce que ça fait partie réellement du passage de l'être ancien à l'être nouveau, celui où tout ce que nous disons, pensons, vivons, est découle totalement des actes qu'on a commis. C'est-à-dire que présentement, l'humain ne pose jamais d'actes en fonction de ce qu'il vit, en termes de vibration, il vit en termes de vibration toujours en fonction des actes qu'il aura posés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain, pour rationaliser, va dire, ben oui, c'est sûr, c'est le chiffre 4, parce qu'il y a quatre éléments. C'est faux. L'humain va avoir trouvé que quatre éléments parce qu'il va être branché astralement sur la vibration du chiffre 4. Donc, c'est sûr qu'il y a eu 40 jours de déluge. Non, c'est pas sûr. Mais l'humain va retenir 40 jours de déluge en excluant quand il a commencé à pleuvoir, quand il a commencé à cesser de pleuvoir. Il va s'arranger pour qu'il y en ait 40. Et là, il va dire, oui, regarde, c'est la preuve. Mais ce n'est pas la preuve. L'humain ajuste toujours ses concepts spirituels, émotifs, théologiques en fonction de ce quoi il est branché. Et dans l'ère ancienne, dans l'ère du poisson, dans l'ère actuelle, chaque chose que vous dites ou que vous expliquez, et surtout lorsque l'on rationalise, on rationalise uniquement pour se défendre, c'est-à-dire pour éliminer les dissonances cognitives que nous vivons au niveau de la conscience, c'est-à-dire qu'on va toujours expliquer les choses pour pouvoir se dire qu'on a agi comme ça à cause de ça, alors qu'en réalité, on dit ceci parce qu'on a agi comme ça. Le chiffre 4 est donc important. Présentement et depuis longtemps, l'être humain qui chemine va atteindre une vision de conscience, donc de dimension, qui va être 5 fois, donc qui est beaucoup plus grande que le chiffre 4, 1. Et progressivement, l'humain va tout enligner sur le pentagramme, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches. Pourquoi le pentagramme à 5 branches, le pentagramme à 6 branches, ce sont donc des étoiles. Pourquoi l'humain va enligner tout son phénomène là-dessus? Uniquement parce qu'il commence à être branché dans l'intuition à une autre dimension. Et là, progressivement, l'ésotérisme, après le chiffre 6, qui deux triangles un sur l'autre, après le chiffre 6, l'ésotérisme va commencer à penser que ce ne sont pas d'autres dimensions, mais que ce sont des mondes parallèles. Et là, progressivement, depuis longtemps, pour certaines personnes, aujourd'hui, je vais essayer de dessiner, mais je ne vous garantis rien, parce que c'est extrêmement complexe, il faudrait qu'on le fasse hologrammiquement, donc avec un hologramme. Présentement, l'être humain est branché sur un contexte qui va lui amener une vision septuple de sa constitution. Alors, on a un autre pic en arrière ici, etc. Et ce qui est branché présentement chez l'être humain, c'est une vision. Présentement, si je dessine un objet, je vais le dessiner comme ceci. On va dire qu'il a deux dimensions, donc je lui rajoute une profondeur, il aura donc une troisième dimension. Ce qui, présentement, au niveau de la conscience, essaie et est en contact avec l'humanité depuis longtemps, c'est une pluralisation des dimensions. Et la façon dont ces dimensions, la géométrie spatio-temporelle de ces dimensions va créer, lorsque l'être humain vibre un peu ce contact, va créer chez lui une réplique formique, c'est-à-dire que la géométrie spatio-temporelle, donc reliée à l'espace et au temps de cette dimension septuple, crée dans l'être humain une forme particulière et engendre chez lui, parce qu'il est astralisé, la religion du chiffre 7. Donc, étant donné que présentement, l'être humain est de plus en plus, on va se connecter à cette mécanique-là ici, l'être humain vibre l'importance du chiffre 7. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de l'information théologique, cartésienne, scientifique, ésotérique, et etc., et psychologique, provient d'un contact avec la possibilité de vivre un monde 7 fois dimensionné. Donc, l'être humain, comme pour le chiffre 4 ici, lorsqu'il avait accès à un monde quadridimensionnel, dans sa conscience, mais dans son inconscience, c'est-à-dire qu'il ne savait pas, il ne s'en servait pas présentement, l'être humain va donc considérer que ce n'est pas le 4 qui est le symbole de la création ou de la matière, etc. Ça va être le chiffre 7. J'explique cela pourquoi? Parce que c'est important de comprendre autre chose. L'être humain, souvent, bon, ici, vous voyez, je dessine quelque chose qui est le chiffre 7. Progressivement, par sa spiritualité, l'humain qui vibre le chiffre 7 au niveau de la conscience va finir par avoir une vision cristalline, c'est-à-dire cristallique plutôt, une vision cristallique de la perception des 7 dimensions. Autrement dit, l'humain progressivement va avoir dans sa conscience la vision de cette mécanique septuple et il aura l'impression que cette mécanique septuple est un cristal. Donc, un cristal qui est basé évidemment sur les 7 pointes, sur le chiffre 7 au niveau de tous les fragments qu'il constitue. Et c'est pourquoi l'humain va donc parler progressivement et certains spirituels et certains ésotéristes, d'un air où les êtres humains sont des cristaux. Les planètes merveilleuses et divines où les êtres sont des cristaux. Et c'est pourquoi, progressivement, on va essayer d'implanter dans les mécaniques de cure ou les mécaniques de conscientisation d'évolution l'idée qu'en travaillant avec des cristaux particuliers qui émettent des vibrations particulières, on va être capable d'arriver à des niveaux particuliers de vibrations au niveau de la conscience. Ça fait partie de l'ésotérisme. Le cristal peut t'aider physiquement, mais il ne t'amènera pas une conscientisation. Mais c'est toujours des spiritualisations, des spiritualismes de la mécanique. Donc, l'être humain, présentement, de plus en plus, et les ésotéristes, de par leur subtilité, de par leur sensibilité, ont accès à cette dimension au niveau de leur conscience, ce qui va leur les amener à être cartésiens dans certains cas lorsqu'ils sont quadridimensionnels, à être cartésiens mais capables de contrôle comme certains scientifiques lorsqu'ils sont dans au niveau du pentagramme de l'étoile à cinq branches, parce qu'ils ont une énergie différente. Et s'ils vont se relier à six dimensions, ce sera surtout des spiritualistes, des grands prêtres, des innovateurs peut-être là-dedans. Bon, six branches au niveau des sept dimensions, on a normalement là affaire à quelqu'un qui aura une conscience qui sera toujours néotypale, c'est-à-dire qui va toujours amener de nouvelles formes de néotypes, donc une conscience style nazaréenne, ou une conscience style Aurobindo, ou une conscience style Krishnamurti, ou une conscience, etc., qui va traverser et la science et la religion. La science qui arrête surtout au niveau de la mécanique 5, le matérialisme au niveau de la mécanique 4, la spiritualité au niveau de la mécanique 6, donc au niveau des dimensions. Alors, c'est ce qui fait en sorte que l'humain, progressivement, va se servir du chiffre 7 de plus en plus comme étant le chiffre par excellence. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est ce qui est en haut. Parce que l'homme ne regarde pas loin. Explique. Ce qui est en haut n'a rien à voir avec ce qui est en bas. Mais c'est la même chose. Non, c'est la même chose. C'est sûr que de dire qu'une fraise puis une automobile, c'est la même chose. D'un certain point de vue, si on parle d'énergie... Cela a permis, du moins dans le passé, d'aller chercher de l'information, l'amener dans la matière, la comprendre, même si c'était une marche imaginaire, ça a permis à l'homme d'avancer vibratoirement, de hausser son taux vibratoire. Absolument. Mais il a été cherché à quelque part, ça, il a été cherché dans l'invisible, dans l'immatériel. Bon, tout ce qui est en haut et ce qui est comme ce qui est en bas, ça fait partie ça, de la vision de la conscience tridimensionnelle. Lorsque l'être humain commence à toucher la quadridimensionnalité, ce qui est en haut n'est pas comme ce qui est en bas. Il va vouloir en faire une réplique. Qui a amené ça? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est Hermès. Hermès. Hermès Trismégiste. C'est le premier. Exact. Trismégiste, ça veut dire quoi? Je sais pas quoi, là. Ça veut dire trois fois Smégiste. Hermès, le trois fois grand. Pourquoi trois fois grand? Parce que sa connaissance venait d'une conception totalement tridimensionnelle et visuelle des mécaniques de tridimensionnalité, alors que lui-même, à l'époque, vivait dans des visions bidimensionnelles. Alors, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas en fonction de l'époque d'Hermès, évidemment. Mais aujourd'hui, non, ce qui est en haut, évidemment... OK, mais même si tu n'accèdes pas à ça, Daniel, j'aimerais quand même qu'on essaie d'aller chercher des... Ce qui est dans l'astral, ce qui est en haut pour Hermès, est comme ce qui est dans la matière. Si tu regardes plus loin, c'est plus vrai. Mais tant que tu restes dans le contexte astral, c'est totalement vrai. En tout cas, j'aimerais qu'on utilise quand même les chiffres 7 pour essayer de... prouver des choses ésotériquement, ça pas scientifiquement, là, mais ésotériquement, justement, même si ça pourrait être illusoire, parce qu'il y a des choses, je pense, qu'on peut mettre le doigt dessus. Parce que même si c'est illusoire, l'illusion est utilisable dans le monde où tu en as besoin. Hein? Tu regardes un film illusoire pour te remonter le moral, mais il peut te remonter le moral, le film illusoire n'a rien à voir. En autant que ça hausse le taux vibratoire, c'est la seule chose pour laquelle on est sur la planète, hausser le taux vibratoire. Alors, les moyens utilisés, la fin justifie des moyens. Toujours. Alors, vu que tu as un micro transportable, peut-être que tu pourrais, puis il faudrait se mettre d'accord sur les différents points, là. Je vais te donner les points, si tu veux les écrire par l'ordre d'importance, parce qu'à un moment donné, je voudrais qu'on regarde les correspondances, s'il y a des correspondances dans certains cas ou s'il n'y en a pas. Regarde, j'ai tout fait des beaux petits carreaux ici. Là. Ah. C'est pour ça que je suis arrivé plus de bonheur. Alors, si on prend... Tu aurais pu écrire ce qui va dedans. Hein? Non, mais c'est justement... je t'attendais pour... qu'on se mette d'accord sur de façon... Parce que là, c'est pas au crayon en mine, ça ne s'efface pas facilement. Alors, la première rangée à gauche, Daniel, en haut, c'est pour les corps. Ça, c'est les corps. Les corps. Alors, corps... J'ai besoin de combien de carrés? On en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on garde ça pour écrire corps. C'est ça, tu écris corps, là. Est-ce-tu le fun de faire travailler? En haut, vu qu'habituellement... J'ai remarqué qu'on écrit toujours corps avec S, hein? C'est une loi de la langue française. Mais allez jamais dire à un érudit qu'on a plus qu'un corps. Bon, oui. Et puis, en haut, je pense qu'on devrait partir avec divin bouddhique. Ah, ici. Supplémentaire à la stratégie. Ah, le corps divin, le corps bouddhique, le corps de Superman, le corps mental, le corps astral, le corps vital, le corps physique. C'est ça. Maintenant, ceux qui veulent, après, vous pouvez demander à Michel Carrière, il va vous faire une photocopie de... Dans la deuxième rangée, Daniel, j'ai mis les chakras. On sait qu'il y en a 49 ou 64, mais on prend les 7 plus importants. Coronal, frontal, larynx, cœur, estomac, sacrum et racine. OK. C'est parce que... comment ça s'appelle? Muladhara. Muladhara, c'est ça. OK. Maintenant... Dans la troisième rangée, j'ai pris sens. Nos sens, c'est ça. Là, c'en est un que je n'ai pas terminé et que, justement, je veux ta collaboration. On part en bas, c'est ça. J'ai commencé par le toucher. Je ne sais pas si tu es d'accord avec celui-là. Oui, OK. Après ça, j'ai été avec la vue. Non. L'ouïe. Non. L'odorat. Le goûter. L'odorat. L'odorat pour le corps vital. OK. Après, bien... Louis pour le corps astral. On a Louis pour le corps astral, mais tu as aussi une partie du visuel pour le corps astral, mais la vue regarde surtout le corps mental. D'ailleurs, les yeux sont neuroniquement reliés directement au cortex et passent l'as par le thalamus. Bon, okay. Le goûter. Le goûter, on le place aussi au niveau du plan astral. Ouais, mais c'est... Le goûter va beaucoup avec le plan vital aussi. Ouais, mais là, tu mélanges toute mon affaire. Oui, mais c'est parce que le goûter... T'sais, ici, c'est la même chose, Daniel. Astral et mental, on peut toutes les... Oui, sauf que tu ne peux pas goûter, tu ne peux pas sentir si tu n'as pas de bouche. Tu n'as pas de nez. Entièrement d'accord. Pour les besoins de la situation, mettons le plus important... En haut, c'est ça. Bon, alors, après ça, c'est... Après ça, on peut parler de l'ouïe. OK. Après, on parlera de l'odorat et du goût. OK. Après, on parlera du toucher. Ouais, là, tu m'en donnes 4. Ben oui. C'est sûr que c'est pas aussi plaisant esotériquement. Non. On peut rajouter un corps. Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème, Daniel. Tu vas trouver les 3 autres en haut. C'est parce que moi, je pensais en avoir 5. J'ai dit même 2 à trouver. Mais j'en trouve 3, c'est pas pire. Mais c'est ça. Tiens, on va mettre oui ici. Bon, oui. Parce que moi, je vois 7 sens. OK? J'en avais 5, là. Il y en a 2 autres. Bon. Si tu penses qu'il y en a un 7e, moi, je ne le vois pas, là, mais démontre-nous le. Oui, mais ces sens-là, on ne pourra pas en parler bien, parce que juste les mots sont des mots qui ne diront pas grand-chose aux gens. Le sens relié au plan supramental, c'est le sens... C'est pas nécessairement une correspondance, Daniel. Dans certains cas, on pourra lui attribuer une... Mais présentement, ça correspond. OK. Bon. Au niveau du plan supramental, le sens qui va exister là, c'est le sens qu'on va appeler l'extra-lucidité. Mais pas comme Madame Antoinette, avec une extra-lucide, avec ses grosses bagues et son turban. C'est pas ça, là. Alors, c'est donc l'extra-lucidité au niveau du plan supramental. Oui. Au niveau du plan bouddhique, les sens, quand on parle de ce sens-là ici, les mots, déjà là, ça devient compliqué parce que le sens, on peut le percevoir, il faut inventer un mot qui ne dira rien. Bien, c'est ce qu'on a parlé tantôt, il faut muter des choses, alors il faut le trouver. C'est la seule façon qu'on va pouvoir avancer. On y reviendra tantôt s'il faut, mais le sens qui est... Le sens qui est accessible. Le sens qui est accessible à l'homme qui lui permet de ressentir le corps bouddhique. Oui. Donne-toi un nom. Ça sent bien. Ce qu'on va faire, on va passer à l'autre rangée, puis on y reviendra. On va faire comme les examens. Oui, ça Daniel, c'est pas la dernière conférence. J'espère qu'on va avoir la fin. OK. Après ça, j'ai été avec les règnes. Oui. OK. Encore, les règnes. Encore, on va commencer par le bas. On va commencer à cette petite. Bon. Mais ceci, là, tu m'obstines. C'est ça. Ceux-là, tu ne m'obstines pas tes marques. Minéral, végétal. Végétal. Animal. Animal. Humain. Hominal. Hominal, c'est ça. OK. Monde parallèle mémorisable. Ou mémorisé. Non, non, mais trouve-lui un mot qu'on pourrait... Parce que là, je te le décris, j'ai pas le mot, hominal. Daniel. OK, maintenant, animal, ça va avec le plan astral. Hmm? Ouais, oublie les plans ici, là. OK, mais si je l'écris ici, tu sais pas quelle est la correspondance avec le plan supramental? Ben oui, c'est possible, mais bon, c'est pas une nécessité. OK, mais je peux le mettre, là. Oui. Je suis prêt. Vas-y. Okay. L'humain, entre les deux, c'est l'être humain, puis ici, c'est okay. L'être. Bon. L'autre règne. Bouddhique? Oui. Okay. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement bouddhique, parce que je ne suis pas sûr si, à ce moment-là, on pourra les correspondre. Oui, parce qu'il y a entre les deux, les transitions. Oui, mais dans certains cas, peut-être qu'on ne pourra pas correspondre directement avec le plan ici, il va peut-être correspondre avec autre chose. Okay. Parce qu'il y a 49 fois 7 fois 7, en réalité. Je vais t'expliquer après. Fait qu'il ne correspondra pas nécessairement à tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut les apprendre par cœur, mais par contre, ça va nous permettre, je pense, de nous situer et être en mesure de trouver par nous-mêmes les différentes réponses à différentes choses qu'on cherche. Absolument. Et puis, c'est des béquilles, ça. Oui. Mais quand tu as mal à la jambe, ou que tu en as qu'une, elle est importante, jusqu'au temps qu'elle pousse. Bon, l'autre après, c'est le monde parallèle, c'est le règne des mondes parallèles qui utilise une intelligence. Ici, c'est mémoriel, celui dont j'ai parlé. Le plan supramental, c'est l'intelligence. Mais là, je vais t'expliquer une chose. Attends un peu, là. Le plan de l'être, c'est l'intelligence. L'intelligence supramentale. Je vais t'expliquer une chose, parce que là, il va y plus, avoir... Là. Je sais. Ça ne marche plus, mon affaire. Là. Non, je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche plus. Parce que il y a des équipes toi-même. Oui. Hein? Mais deux, c'est pas ça. C'est parce que je voulais pas qu'on s'obstine pendant le... Je voulais pas qu'on s'obstine, mais qu'on établisse les différences. Il faut que tu fasses un deuxième quadrillage. Parce que là, ça marche plus, Daniel. Ça va plus du tout. Je vais t'expliquer pourquoi ça marche pas. C'est important pour que tout le monde comprenne. Là, on s'obstine pas, là. On descend les choses. Ce qui arrive simplement, c'est que ce que tu amènes présentement, c'est une vision de l'être ici. Bon, moi, ce que j'amène, c'est l'étape qui suit l'être qui monte. Toi, ce que tu me demandes d'écrire, c'est l'étape qui précédait l'être qui descendait. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puis la majorité des théologiens, des spiritualistes, des ésotéristes fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'on est descendu par un chemin comme celui-ci, comme mettons, on part de gauche, on arrive vers le centre, et on part du centre et on remonte vers la droite. Mais la majorité des ésotéristes, des cartésiens et d'autres personnages, pour retrouver d'où ils viennent, ils ne regardent jamais où ils vont, ils veulent savoir d'où ils viennent. Alors, ils vont dire, on va remonter la trame, et eux partent donc du centre vers la gauche pour aligner un cheminement d'évolution, de conscientisation, et c'est ça qu'on pourrait écrire ici, c'est ce qui a été écrit dans la majorité des phénomènes d'expression. Alors que moi, je pars du centre et je m'en vais vers la droite, ce qui fait que ce que je vais amener, c'est comme par exemple, deux tableaux, ça aurait été intéressant, ou un crayon rouge, je pourrais écrire ta version ici. Les deux sont bonnes, une, c'est de là, par là où on est passé, l'autre, c'est par là où on va passer. Alors, ce que tu me dis, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport à la vision, disons, spirituelle de celui qui remonte au Canada. Oui, ça va très bien, je comprends très bien ce que tu dis. Maintenant, moi, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que je veux qu'il y aille au-dessus de l'homme, le règne, OK? OK, place-toi. Le règne qui va au-dessus de l'homme, là, c'est le règne astral qui mange l'homme, OK? C'est le règne qui se nourrit de l'homme, comme l'homme se nourrit de l'animal. Oui. Alors, oublions la correspondance bouddhique, là. Je sais pas si je... Ah oui, alors, on laisse même le faire le phénomène supramental. OK. Moi, celui que je... On est juste en... Oui. Ce qui arrive, c'est que c'est le monde qui... Tu veux qu'on place la petite chienne? Non, c'est pas... Ouais, c'est ça. On pourra, après ça, en allant dans une autre rangée, dire c'est le stitchien. On aura une correspondance. Prévu, je n'ai pas prévu, mais c'est je ressens toutes ces choses-là. OK. Alors, si on recommence, le minéral, végétal, animal, humain. Là, c'est le monde qui, je vais te le répéter, là, le monde parallèle qui fonctionne avec mémoire seulement. Ça, c'est un monde. Oublie le monde, oublie le plan bouddhique, oublie tous les autres plans. Okay, c'est le monde astral. Tu dis le coup de papier sur toi? Pur et simple. Non, malheureusement, je n'ai pas. Alors, c'est un monde parallèle. Un monde parallèle astral. De mémoire. Okay, utilisant donc, seulement que la mémoire, il ne peut pas créer des arnaques. Pas de conscience, il n'y a pas rien. Okay. Il ne peut pas créer des arnaques pour faire avancer l'homme. C'est l'annale akashique? Oui. Bon. Alors, on parlait donc d'annale akashique. C'est un règne pour moi, celui-là. L'annale akashique peut être un règne, c'est l'akasha. Étant donné que c'est l'accumulation de tout ce qui s'est passé en termes mémoriels, c'est pur. Si tu vas fouiller là-dedans, tu vas voir la réalité de ce qui s'est passé. Tu peux voir les colorations des autres, là, mais ça n'a pas d'intentionnalité ou ça n'a pas de mécanique trompeuse. C'est ça. Vois-tu pourquoi, dans certains cas, il n'y a pas de correspondance avec les plans? Oui, il n'y en aura pas avec les chakras nécessairement, puis ainsi de suite, mais il y a des endroits qu'on va pouvoir en avoir, puis on va pouvoir pinpointer puis aller où on veut aller. Le règne au-dessus, c'est le monde parallèle qui utilise de l'intelligence, utilise la lumière. OK. Exemple... Utilise l'intelligence pour taper dans l'homme. Pardon? C'est un monde parallèle qui utilise l'intelligence pour taper dans l'homme. Taper dans l'homme ou pas taper dans l'homme. Mais c'est le règne, parce que... Ah, sacrifice! C'est le règne, puis il est bien important, qui utilise de la lumière ou de l'intelligence pour manipuler l'astral afin de manipuler l'homme, si tu veux. Alors, dans certains cas, les arnaqueurs. Et puis, on va écrire les arnaqueurs. C'est ceux, oui, c'est ça. OK, ce sont ceux, justement, Daniel, qui montent les arnaques. Bon, qu'est-ce que c'est que les arnaqueurs pour le bénéfice de tout le monde, ceux qui ne savent pas encore? Les arnaqueurs, c'est simple, ce sont des mécaniques qui... vont venir vous jouer le jeu de l'intuition, vont venir vous jouer le jeu de la compréhension, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez poser des questions et on va vous répondre extraordinairement intelligemment, ça c'est absolument parfait. On va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous ne puissiez pas vous tromper. Puis là, vous allez vous lancer, ça va fonctionner. Puis à un moment donné, bien, ça va se retirer, ça va aller se coucher. Alors, on va vous donner le carburant qu'il faut pour lancer votre avion, vous allez décoller. Puis en plein vol, subitement, l'arnaqueur, ça va se coucher. Vous allez simplement vous écraser. Vous allez vous casser la gueule. Alors ça, c'est effectivement, il y a un plan ici très intéressant. Il faudrait, d'ailleurs, c'est ce que Jacques aimerait qu'on trouve à un moment donné, qui est un plan qui semble faire partie des mécaniques d'intelligence qui travaillent extraordinairement conjointement avec l'astral pour empêcher l'être humain qui se conscientise de parvenir à se conscientiser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la bubite la plus dangereuse qui attend à l'être nouveau parce que cette mécanique-là, elle semble... Jacques ici dit « elle fait partie de l'intelligence ». Moi, je vous dis présentement, elle semble faire partie de l'intelligence. Et le gros problème, c'est qu'elle peut vous amener, c'est comme un grand maître du monde dans l'Antiquité, c'est-à-dire que ça va vous aider, ça va vous éveiller, ça va vous amener, ça va vous grimper, ça va être merveilleux. À un moment donné, ça vous casse la gueule complètement. Pour une forme de plaisir. Hein? Avec la bénédiction de ta source. Apparemment. Effectivement. En apparence, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont apparentes, mais on va essayer d'utiliser des chiffres pour arriver à quelque chose. Parce que quand une même personne est suffisamment vibrante, suffisamment sensible, puis qu'elle est sûre que là, elle commence à savoir, si elle fait affaire avec un arnaqueur, avec la bénédiction de sa source, c'est évident qu'un robot appliqué tout ce qu'elle voudra appliquer, elle va continuer à vivre des problèmes un bout de temps parce qu'elle n'est pas encore prête de s'en sortir. Arnaqueur, on pourrait aussi, Daniel, je pense, je situe, pour prendre un autre terme, là, comme les archanges mentaux, les archanges en deçà de l'éther. C'est vrai. Les archanges planétaires, si tu veux. Oui. Archanges planétaires. On peut faire référence avec, on va parler spirituellement, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre, là, mais il faut bien comprendre l'idée, qu'on spiritualise de façon à se servir des vieux archétypes amenés par les antiques religions. Les termes sont bons, mais les termes ne sont pas justes. Les archanges déchus, c'est ceux-là. C'est des mécaniques qui nuisent totalement au plan et qui essaient d'implanter leur propre version, leur propre vision des choses. Il y a des archanges déchus, mais il y a aussi des nouveaux promus, je pense, dans ce plan-là. C'est pas faux, mais c'est pas ce que tu dis. C'est des archanges déchus qui proviennent de d'autres mondes et qui sont venus s'installer ici parce que c'était une terre intéressante. Il y avait du monde là-dedans qui aspirait. Ils ont été promus. Oui. OK. L'autre après, oui. L'autre règne, c'est la source. D'accord. Est-ce que c'est la source ou c'est la maudite source? C'est la source qui... Je l'ai, c'est important de bien le dire, bien l'exprimer. C'est la source qui se nourrit de tous les plans en bas, mais qui n'est pas nourrie par aucun plan au-dessus. OK. OK? Oui. Bon, on va arrêter là parce que là, ça va être trop long. Juste pour... OK. On va mettre les sons. OK? D'accord. On va partir vers le bas. Les enfants. Ré, mi, fa, sol, de, si, do. Comment? Ré, mi. La gamme, c'est ça. Tu connais la gamme. Pourquoi je peux commencer par do? Est-ce que c'est par do qu'il faut commencer? Normalement, c'est do, ré, mi, fa, sol, la. Je pensais que c'était le contraire, mais dans le fond, musicien. OK. Après, là, il y en a deux, parce qu'il y en a plusieurs, là, je veux dire. On va mettre les couleurs de l'arc-en-ciel. T'sais. Oui, c'est lesquelles? Je les ai écrits, là. Je ne vais pas m'obstiner. OK. Tu commences par le bas ou par le haut, là? Par en bas. Rouge. Orange. Jaune, vert, bleu, indigo et violet. Bon. Vu que tu es au tableau, tu pourrais peut-être tourner la feuille précédente, la ramener ici. Et faire en haut ce que moi je voulais faire, OK? Qui était un triangle. C'est-à-dire 1 plus 2 égale 3. Un triangle. Et puis un triangle à côté. 1 plus 3 égale 4. Ou 2 plus 2 égale 4. C'est ça. Les deux reliés, ça égale 7. Bon. Maintenant, partant de ce point, je fais un cube parfait, ce qui, je peux prendre avec un nombre, ce que j'ai observé, dont je peux rendre le plus parfait, c'est de prendre ce chiffre-là et faire le cube de ça. Soit 7 fois 7 fois 7. Ce qui donne un cube, c'est quoi? En réalité, c'est un nombre entier qui est le cube d'un autre nombre entier. C'est un cube parfait, ça. Ça, c'est la perfection. Alors, je vois, moi, l'autocontenance du 7 dans le volume parfait du 7. Richard Gill aurait aimé ta voix, ensemble. Bon, OK, oui. OK, puis ça, j'ai pas lu ça dans des livres. Alors, 7 au... Les gens n'ont pas encore osé au cube. Écrire. Oui, 7 au cube. 7 au cube. On commence par au carré. Au carré, ça fait 49. 49, 4 plus 9, ça fait 13. Il fallait donc 4 plus 9. Ah, ben là, tu viens de changer, là. OK. Je pensais que tu avais laissé 2. Mais là, c'est 7 fois 49. Mais, 49. OK, ben, on va... Mais là, enlève le 3, là, puis remets un 2. C'est ça. Alors, on l'a au carré. 4 plus 9, ça fait 13. Oui. 13, 1 plus 3, ça fait 4. Oui. Ça, c'est la matière. Oui. Bon. Maintenant, si on prend cette matière qui est 49, oui. qui serait, pour moi, là, la matière prête à s'éthériser. Alors, si on le fait au cube maintenant, oui. Là, on a notre 49 à 49, qui est 343. Ça dépend. Là, c'est 7 fois 49 qu'il faut faire. OK. Ben, ça fait 343. Là, à ce moment-là, on a le cube parfait, qui est l'autocontenance. Oui, le chiffre 10 étant le symbole de la perfection, ça veut dire que c'est le chiffre 1 sur un autre octave. C'est ça. Le symbole du 1, c'est le point, puis le symbole du 10, c'est le cercle. Le cercle, ça a ni commencement ni fin. Alors, qu'on dise que c'est spirituel, qu'on dise que c'est ésotérique, qu'on dise que c'est flyé, qu'on dise que c'est quoi que ce soit, il y a, non seulement, selon moi, du point de vue de l'homme, mais de ce qui existe dans le beaucoup de choses dans notre univers, la solution à nos souffrances, à nos difficultés, à tous les problèmes que, ou du moins, pas une solution à ça, mais la compréhension pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes. Oui, maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. C'est extrêmement important de comprendre, tout le monde, on part d'un point qu'on peut appeler actualité, ici, maintenant. L'être humain part d'un point qu'il appelle le passé et il se dirige vers un point qu'il ose appeler l'avenir. Du passé va donc exister une trace. Cette trace portera le nom de mémoire effusionnelle. Du début aller jusqu'à maintenant, l'être humain a laissé des traces au fur et à mesure de son effusion, donc de son refroidissement. À travers sa descente effusionnelle, il y a un paquet de morceaux qui ont été répandus à travers les super-univers, les univers, etc. Et ça va habiter d'autres contextes temporels, extraterrestres, qui ont des tendances actuellement à revenir un peu vers nous voir. On a des mécaniques actuellement qui viennent de d'autres mondes, qui sont totalement bannies par les autres mondes, qui ont été promues selon ton langage, et qui viennent se placer aujourd'hui ici dans le but de nuire, de faire souffrir, de planter, d'écœurer l'humain qui se conscientise et de l'écœurer au maximum. Et ces énergies-là sont des énergies qui, étant donné leur manque d'ajustement au contexte actuel, deviennent, pour la vision émotivo-spirituelle de l'âme, des mécaniques noires. On peut donc se payer le luxe de les appeler des arnaqueurs. Sauf que ces arnaqueurs-là peuvent être replacés, ils doivent être éduqués. Et présentement, l'humain ne les éduque pas parce que l'humain n'est pas encore capable de contrôler convenablement l'écœurement, de contrôler convenablement le discours avec son ajusteur de pensée, de contrôler convenablement son double éthérique en création, son troisième cerveau, et de contrôler convenablement les mécaniques de la colère. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que Jacques explique est totalement vrai, mais ça fait partie encore de l'explication des mécaniques effusionnelles à travers la source. Il y a maintenant un autre canal qui n'existe pas, mais ce n'est pas une faute de français. Ce n'est pas un canal qui n'existe pas, c'est un canal qui n'existe pas. Et lorsque moi je parle, et c'est le canal par lequel l'humain va cheminer, et l'humain chemine là-dedans. La problématique, on pourrait, dans un dessin ici, considérer que les deux canaux se côtoient très, très, très près pendant un laps de temps, ce qui fait que les étrangleurs, les arnaqueurs, lorsqu'ils descendent, peuvent nuire. Si on essaie, et effectivement, il y a deux façons stratégiques d'accélérer la conscientisation en fonction d'un transport confortable. La première va être de retrouver les mécaniques qui t'envoient des flèches empoisonnées, et la deuxième va être de t'immuniser contre le poison de ces flèches-là. Si on veut faire le travail de retrouver celui qui envoie les flèches empoisonnées, on doit donc faire le travail de l'occultisme. Occultisme vient des mots occultatis, occultam et occultat, qui veut dire trouver les choses cachées, sortir les choses de leur cachette, les étudier et les revoiler, les recacher. L'occultisme, c'est une science pernicieuse. Pourquoi? Parce que son but fondamental est de créer des initiés. Mais les initiés qui sont créés par l'occultisme ne sont pas de grands initiés, c'est-à-dire, ce ne sont pas des personnes qui ont connu le mental et qui ont connu l'intelligence supramentale. Ce sont des êtres qui sont initiés comme comme on peut faire à travers certaines sectes ou à travers certains organismes. C'est-à-dire que moi, je vais mystifier les choses et je vais, par exemple, initier Jacques à ma science, l'occultisme. Et là, après ça, Jacques peut faire un voyage astral, mais quand il fait un voyage astral, ils s'organisent pour mystifier de façon à ce que personne ne puisse y avoir accès. On crée des initiés, puis on crée des prêtres. Bon, l'occultiste fait ce travail-là. L'occultiste va travailler pour retrouver des choses. L'ésotérisme, c'est un occultisme beaucoup plus dépourvu d'occultisme. L'ésotérisme a pour fonction de trouver ce qui provient de l'intérieur et de l'amener à l'extérieur. Donc, l'ésotérisme a comme première fonction de détruire l'ésotérisme. Et c'est déjà extraordinairement plus brillant. C'est-à-dire que l'ésotérisme a comme mandat de prendre des choses cachées et de les révéler. Donc, de prendre des choses ésotériques et d'en faire des choses exotériques, de les révéler. Et l'ésotérisme fonctionne sur la base de l'occultisme. Donc, l'ésotérisme doit fonctionner à partir de la religion et doit, à partir de l'occultisme plutôt, la religion sera ésotérique. Elle suivra le même canal, la religion est occulte, elle est ésotérique et elle est théologique. Alors, l'ésotérisme va donc remonter le même canal, le canal de la source. Et il y a donc deux sources en termes de termes. La source où tu viens, la source qui t'appelle. Okay. Quand tu parles de remonter la source ici, je pense comprendre ce que tu veux dire et puis j'accède à ça. Et puis c'est un peu ce que je veux faire, remonter la source. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est ça. Mais il y a une raison pour laquelle je veux remonter la source, Daniel. Seulement une? Oui. Pour être en mesure... Pour être en mesure, c'est d'aller voir la maudite arnaque oui. qu'on nous a fait depuis tous les... L'arnaque qu'on peut regarder de deux façons. On peut dire, ah, il fallait que je sois organisé pour enfin comprendre que mon taux vibratoire se hausse. Mais il y a... Bon, pourquoi je t'arrête, c'est que ça fait partie des processus de l'ère ancienne où on va toujours être capable de rationaliser ce qui vient de nous arriver en fonction, non seulement des astuces du système manipulateur, puis en fonction du contexte, en fonction des arnaqueurs, en fonction de plein de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un s'enfarge en tombant. Il s'enfarge en tombant, c'est intéressant. Tombe en s'enfargeant, bon. Il se ramasse le nez à plat ventre. Puis là, il peut dire, c'est Dieu qui m'envoie cette leçon. Il peut aussi dire, ah, maudit astral, elle me charrie toujours. Il peut aussi dire, on aura toujours une explication post-événementielle à donner. Et c'est ce qui est dangereux, parce que de cette façon-là, on engendre la transigence chez soi. Hein? La transigence est partie de cette acceptation-là des arnaqueurs, c'est-à-dire qu'on est transigeant parce qu'on a toujours la capacité d'expliquer positivement la merde qu'on reçoit, alors nécessairement on est capable de la supporter, ce qui fait que finalement on s'en sort plus ou moins jamais. On se conscientise, mais on reste dans le trou. Oui, mais tu ne penses pas qu'il serait temps que le monde se devienne moins nono. Tu as raison, de deux façons. Un, je ne pense pas, et deux, c'est le temps que le monde s'en sort. Bon. Alors là, je suis perdu, là. Mais je vais revenir, je sais ce que je veux, moi, en arriver. Et puis, dans ce que tu viens de dire, ce n'est pas ça que moi, je veux atteindre. Non, moi, j'explique aux gens les choses. OK. Parce que ce qui est important là-dedans, là, je pense que on a beau dire que l'homme n'a pas le taux vibratoire, a toujours le taux vibratoire, le maître se présente quand il est prêt, puis blablabla. C'est vrai pour oui, le c'est passé. Vrai. C'est vrai pour le passé. Mais il y a des choses qu'il faut qu'il change, puis il faut que l'homme se change, puis il faut qu'on se trouve nous-mêmes les questions. Et ma méthode présentement de remonter en arrière, c'est pour aller faire les preuves qu'on s'est fait fourrer. Je ne veux pas dévoiler le mensonge cosmique de A à Z, parce que je le vois, je le connais pas de A à Z. Mais le mensonge cosmique a tellement mis l'homme dans la misère. On a seulement qu'à regarder qu'est-ce que c'est qui s'est passé sur la planète depuis toujours. Et puis, on comprend. Mais dans l'exemple, OK, on remonte, là. Moi, j'ai rien contre de remonter. J'explique simplement je veux dire une chose. Qu'on fait là, on remonte, okay. La Bible, qui est très bien faite, qui a été très absolument, bien absolument, les pages sont très bien reliées. On l'étudie, et puis qu'on peut dire, comme notre ami mutuel Alexandre le disait, il y a sept significations à la Bible pour sept niveaux de compréhension. J'accède à tout ça. Mais si... Le Nazaréen on lui aurait permis d'écrire un livre. Premièrement, le Nazaréen, qu'a-t-il fait? Il n'a pas dévoilé le mensonge cosmique. Il le voyait, le mensonge cosmique. Il ne l'a pas dévoilé. Tout ce qu'il a fait, le Nazaréen, il a donné une méthode à l'homme pour que l'homme se sorte du mensonge cosmique sans savoir, par ignorance. Il a donné une information, et si tu fais ça, tu es ignorant, mais tu vas sortir du mensonge cosmique. En faisant la volonté du Père. OK? Pour quelle raison? Si, par contre, c'est beau dire, j'accède à cette théorie-là aussi, que l'homme n'était pas prêt, blablabla, j'accède. mais je n'y crois pas, puis c'est pas pour moi, puis c'est pas pour bien du monde. C'est ça qui est mon point. OK? Puis en remontant cette chose-là, il faut faire attention parce que l'autre bord aussi, puis en tout cas, un tas ne veulent pas que ça se sache, ça. Les avatars qui sont dans le mental, qu'est-ce que c'est qu'ils font, les quatre piliers qu'on a parlé, tout de suite. On appelle ça des hiérarchies cosmiques. Qui font partie des hiérarchies cosmiques, les quatre qu'on peut. Entre parenthèses, le dire, oui, moi je dis qu'il y en a quatre, les maîtres du monde, qui sont là, puis qui nous empêchent d'aller chercher ces informations-là pour qu'on puisse enfin comprendre qu'est-ce que c'est qui se passe pour être en mesure de faire ce pourquoi on est toujours attiré, Daniel. Alors, je voudrais ce qu'il y a entre mes deux oreilles, là, c'est que si on remonte, on prend. J'ai pas dit dedans, tu vas voir, c'est entre les deux. Si on remontait cette trame-là, là, pour une chose, pour voir qu'est-ce qui serait arrivé si le Nazaréen aurait écrit un livre de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de lire tout ce qui était transformé, qui était quand même bien pour le temps, mais qu'on aurait eu la réalité de qu'est-ce que c'est qui est sorti de sa bouche, parce que le verbe s'est fait chair chez lui. Comprends-donc. OK. Il a rendu le verbe chair. Ah, je comprends. Et c'est une fusion totale, atomique, complète, ça, rendre le verbe chair. Alors, pour quelle raison que ça n'a pas été écrit? Parce que l'homme, s'il l'avait lu, OK, s'il l'avait compris, il allait avancer mauditement plus vite. Très souvent, tu mentionnes que l'homme, si, ça, mais l'homme, s'il avait été mieux informé avec la réalité, Daniel, il aurait effectivement avancé plus vite, il aurait souffert beaucoup moins, puis il aurait compris, puis il aurait arrêté de s'accrocher à des fausses croyances, des fausses croyances des Pères Noël. Alors, si on prend juste l'exemple du... pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit? Il n'y avait pas de crayon. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui écrivaient 2000 ans avant que lui écrive, il n'y avait pas de crayon? Bon, mais évidemment. Oui. Puis lorsque tu vas te connecter, là, sais-tu ce qu'ils vont faire, les sacrifices? Non, je suis connecté. Sais-tu ce qu'ils vont faire? Ah, ils vont tout faire pour... Non, t'es là. Mais je vais quand même expliquer quelque chose d'important. À travers ce que tu viens de dire, un jour, on va inventer quelque chose d'autre que du mot du papier. On va éviter que dans l'avenir, ils disent « Pourquoi Daniel Kim n'a pas fait des hologrammes? » Ce sera leur problème. Babouille pas mes petits carrés. Non, on en a besoin. Je vais outrepasser cette page. Lorsqu'on a été effusé, lorsqu'on est descendu, on n'a pas créé, mais disons « il s'est créé ». Puis là, quand on fait « on peut comprendre, quand je mets « il s'est créé », les gens veulent savoir qui a créé ça. On va laisser faire ça présentement parce que c'est des personnalisations typiquement humaines, ça expliquerait pas. Il s'est créé des mécaniques anti-retour. Les mécaniques anti-retour sont un peu comme des pièges à poissons. C'est-à-dire que le poisson peut rentrer dans l'entonnoir, mais quand il vient pour sortir, il n'en sort plus. Les pièges à insectes, c'est la même chose. Alors que nous, on rentre, on ne peut pas revenir. Plus on descend, plus on se ramasse sous des entonnoirs. Ces entonnoirs-là sont des mécaniques régies par de l'intelligence. Maintenant, cette intelligence-là n'a pas accès au plan divin, n'a pas accès au plan bouddhique, puis n'a pas accès à l'extra-créationnalité. Donc, tu as raison quand tu parles que souvent, l'intelligence vient arnaquer puis taper dans l'humain. Puis elle se fout de l'humain. C'est pas pour le faire augmenter, c'est pas pour le faire avancer, c'est pas pour l'aider. C'est uniquement pour accomplir une fonction mécaniquement intelligente qui fait partie des relations archangéliques qui s'occupent des évolutions de troupeaux, mais qui ne fait pas partie de l'évolution de l'élite. Maintenant, ce qui arrive donc, c'est que ces mécaniques-là ici, qui sont les mécaniques anti-retour, ça porte un nom intéressant, celui de hiérarchie cosmique. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'humain arrive en bas ici, il est soumis aux conditions des hiérarchies supérieures à lui, hiérarchies cosmiques qui ne descendent pas et qui n'évoluent pas, et donc qui n'évoluent pas, mais qui vont lui dire « tu vas pas là, tu montes pas là, tu sais pas ça, tu fermes ta gueule, non, te coupe là. » Ce sont des hiérarchies cosmiques. Et là, quand l'humain descend, il se ramasse sur un autre plan de hiérarchie cosmique, puis il descend, puis il descend, puis il descend. Alors, pendant un bout de temps, il y a une des hiérarchies cosmiques ici qui s'appelait le règne animal, c'est-à-dire c'était l'animalité. Alors, l'être humain était associé aux hiérarchies cosmiques de l'animal, c'est-à-dire que pour aller à la chasse, il fallait qu'il prie l'animal, il fallait qu'il invente une religion occulte où il y avait affaire avec les élémentaux, avec les éléments, avec la pluie, etc. Hiérarchie cosmique. Ces hiérarchies-là étaient puissantes par rapport à la conscience de l'humain de l'époque. On parle de l'humain de l'Australopithèque, etc. Aujourd'hui, les hiérarchies cosmiques auxquelles l'homme est confronté sont beaucoup plus puissantes, évidemment. Et ces hiérarchies-là, ici, sont des mécaniques, donc d'intelligence, qui ne sont pas reliées à la gestion de l'ascension de l'homme, c'est-à-dire que ces mécaniques-là, ici, d'intelligence, procèdent de la même intelligence que le plan galactique, donc le plan supramental, sauf qu'ils ne sont pas, ces mécaniques-là ne sont pas reliées à l'investiture de l'intelligence qui provient de l'extra-créationnalité dans la conscience de l'homme, c'est-à-dire que ces mécaniques-là deviennent, à un moment donné, des verrues qui peuvent s'accoler à ton canal ajusteur de pensée et commencer à diffuser de leur propre information à l'intérieur même de ta conscience. Et la saveur, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence à caractéristiques supramentales, mais ce n'est pas relié à la gestion, à l'intentionnalité qui provient de ton ajusteur de pensée. Ça veut dire que la conférence, première partie, elle est finie, hélas. Et je pourrais continuer là. Ça va, pour que je comprenne que les livres aussi. Oui.